médias sont des médias de parti pris. Revendiquer la repolitisation de la question médiatique ou refaire des médias à une question politique, c'est-à-dire ce qu'elle est. Évidemment, c'est un engagement, et c'est un engagement qui n'est pas simplement culturel. C'est un engagement qui a un sens politique tout à fait précis. Est-ce que t'entends ? On lutte pour une réappropriation démocratique des médias. Objectivité, non. Exactitude, oui. Mais les faits exacts sont toujours solidaires d'une interprétation. Sur Radio Thieu, 89.5. Bonjour à tous et à toutes, bonjour aussi aux autres. Bien entendu, vous entrez dans Plus Fort, j'entends rien, Mac d'Actu Tout Terrain, en direct le mercredi à midi, avec les rediffs à 19h et le jeudi pour le café à 8h du mat. Aujourd'hui au programme, eh bien, je vais partager avec vous des sorties toutes fraîches ou des sorties à venir. Un petit peu de musique en première partie de ce magazine qui sera suivi par la diffusion du programme tant attendu. J'ai nommé Chronique à mer, qui fait le point sur l'émigration au niveau de la Méditerranée. Vous en saurez plus en deuxième partie d'émission. Il y aura au final, bien sûr, les présentations des coups de cœur de la Ferraroc en fin de programme. Voilà un petit peu pour ce qui va nous occuper aujourd'hui. Et on va commencer par un coup de cœur local. On va commencer dans la chanson très très très libre, avec un album qui va sortir ce mois de mars à Saint-Étienne, autoproduit par le duo Kalouben, K-H-A-L-O-U-B-E-N, distribué par Inuit Distribution. Un album intitulé Amour, eau fraîche et tutti quanti, qui porte très bien son nom, puisque eh bien, en fait ça parle de ça. Il y a des thématiques autour de l'eau, en bateau, sur la rivière, bikini. Il y a aussi T'es un bout de moi, regardez son amour, amouraché. Bref, autour de ça, eh ben, il y a le reste, bien entendu. Un duo de personnes qui n'ont plus 18 ans, il faut bien l'avouer. Contrebasse assez libre, venue des free jazz et des musiques improvisées et des voix qui, bah, dans l'esthétique, pourraient rappeler un petit peu Areski et Fontaine, sans que ce soit vraiment du tout la même ambiance au niveau des textes et puis même d'une espèce de, d'état d'esprit général. Kalouben Duo sera en discussion et en live dans ce programme Plus Fort J'entends Rien le 6 mars prochain. Notez-le, notez-le, notez-le. Je vous propose tout de suite d'écouter eh bien, un morceau que, bon, est-ce qu'il est pas, ouais, bon, je sais pas s'il est représentatif finalement. Un morceau qui n'est peut-être pas très chanson et qui est assez libre. Il s'intitule En bateau, mais on entendra d'autres morceaux sur le 895 de Dio dans les prochains temps, bien entendu. Là, avec moi, t'as au bord de la rivière, c'était t'as fait ta part. Et là, t'as penché la Ah, Tu l'as vu à Barcelone, comme le machin mal fonctionne. Tu l'as vu aussi par ici, comme le truc est mal construit. Oh, dis-le-moi, on en fait quoi de ça? Oh, dis-le-moi, on le répare ou pas? Tu l'as vu au téléphone, ne plaire à presque personne. Tu l'as vu dans le quartier, tout le monde fait semblant d'aimer. Oh, dis-le-moi, on en fait quoi de ça? Oh, dis-le-moi, on le répare ou pas? Assez, assez, assez, assez. Assez, assez, assez, assez qu'il y en a assez, assez, assez, assez. Tu l'as vu dans les Antilles, leur machiner les chevilles. Tu l'as vu dans le Paris, faire machiner les plus gentils. Oh, dis-le-moi, on en fait quoi de ça? Oh, dis-le-moi, on le répare ou pas? Tu l'as vu sur ta figure, les marques de la fatigure. Tu l'as vu un peu partout, la machine entrée en nous. Oh, dis-le-moi, on en fait quoi de ça? Oh, dis-le-moi, on le répare ou pas? Assez, assez, assez, assez, assez, assez, assez, assez, assez, assez, pas assez, assez, assez qu'il y en a. C'était Sage comme des sauvages à l'instant, qui annonce son retour, originellement duo et formation mouvante, de très bon accompagnement au fur et à mesure, qui continue à puiser from Bruxelles dans ses racines créoles et racines un peu mondiales aussi, annonce d'un nouvel album en mai prochain et annonce d'un concert à Saint-Étienne dans le festival Paroles et Musique le 30 mai qu'on attend avec impatience. Et puisqu'on parle de Saint-Étienne, eh bien parlons de Saint-Étienne, puisque ce mois de février a vu la sortie du nouvel album de Devil Joe. Devil Joe, groupe blues soul rock qui existe par ici depuis 2008 et qui a mis 8 ans à nous proposer ce nouveau disque. Il n'y a plus de Backdoor Man derrière les Devil Joe, il y a une nouvelle chanteuse derrière les Devil Joe, et cet album Rising est sorti chez Green Peast Records. Devil Joe qui sera en concert à Saint-Étienne aussi, sera le 22 mars en première partie, ni plus ni moins, d'une idole du rock'n'roll depuis 1969, c'est-à-dire 10 Years After. Je vous propose tout de suite un extrait de ce disque. Il s'intitule Toy, Devil Joe, Green Peast, Radio Joe. Devil Joe à l'instant sur le 895 de Dio. Une autre annonce, une autre sortie que, en tout cas moi, j'attends avec impatience. Elle aura lieu le 8 mars prochain. Tiens, c'est une date qui pourrait dire quelque chose à certaines, voire peut-être même à certains. Elle aura lieu le 8 mars prochain sur le label Matador. C'est le deuxième album solo de Kim Gordon, la bassiste et chanteuse de Sonic Youth, qui revient donc après son premier EP solo en 2019, et un album qui s'intitule The Collective, qui, pour l'avoir entendu, je pense aussi bon que le premier, voire peut-être mieux, je sais pas encore, il va falloir un petit peu faire maturer tout ça. En tout cas, ça mélange noise punk, spoken word poétique, trap et dub. Ça défriche largement plus les frontières que ses deux collègues Lee Ranaldo et Thurston Moore, qui, s'ils le font bien, eh bien, je dirais, naviguent encore un petit peu dans les terres connues et vendeuses de Sonic Youth. Et oui, ça y est, c'est le clash. Moi, je préfère Kim Gordon, ça a toujours été quand même elle qui, pour moi, menait ce groupe en concert aussi. Bien sûr, je vous conseille de regarder des vidéos de Sonic Youth en concert, c'est incroyable puisqu'on ne pourra plus les voir. En tout cas, voici donc un titre intitulé Bye Bye qui représente assez bien le disque à venir. D'ailleurs, c'est le premier morceau d'introduction de ce disque. Milk thistle, calcium, high rise boot cut, Advil, black jeans, blue jeans, cardigan, purse, passport, pajamas, silk. Hoodie, toothpaste, brush, foundation, contact solution. the shampoo, conditioner. Eyeliner, demo floss, money for the queens. Sleeping pills, sneakers, boots. Medications, button down laptop, hand cream, body lotion, Bella Freud, YSL, Eckhouse, Latte, eyelash curler, vibrator, teaser. But the Them man don't know nothing at all. Nothing. Just to spit about, I have to jump over the fence and wall. As a jungle MC, I just wanted to be on call. What is it? I'm too young, that's cool. Right. Which I'll make a man look like fool. What you know about this? What you know about travelling out of the bitch? No insurance, man, I'm taking a risk. No license, man, I'm taking a piss. Man, I'm out of the end in the middle of nowhere. I'm not gonna lie, couple man got shook and didn't wanna go, but I had to go cause I'm making dough there. What you know about that? Channel you, what you know about that? Sidewinder, what you know about that? Music House, what you know about that? Lord of the Decks, what you know about that? DTI, what you know about that? Academics, what you know about that? Yeah, from no ends, you don't know about that. Ayo, phone line crew, what you know about getting dough from Spruce? What you know about? Nothingsorted.com with mooks and the camera crew. What you know about? Go to radio in school uniform and your friend gets bored. What you know about? Ayo, 966, what you know about? The ringtone was kicked. What you know about? I was set for two bills, littered with six man. Look in the crowd, can't see one cam. They're smoking indoors. All the ravers ever ready. Bass heavy, heavy. Man, I'm drinking MD 2020. Versace Medusa, trust me, I remember. Feds pulling man over, give man a producer. Man produce while I make a beat. What you know about that? On site, what you know about that? EQ Caesars, what you know about that? Through the Rose, what you know about that? Stratford Rex, what you know about that? Palace P, what you know about that? Temple, Levez, what you know about that? You ain't from no ends, you don't know about that. C'était le grand retour de Dizzy Rascal à l'instant sur le 8-9-5 de Dio. Originellement baptisé Dylan Kwabena Mills, né en 84 et originaire de l'Est londonien, ce rappeur est de retour avec un huitième album intitulé Don't Take It Personal, sorti sur son label Big Dirty avec deux E Records. Quand même, que dire, sinon qu'il était là dès le début du grime, à la toute fin du 20e siècle. Il a commencé à poser dans les raves et là, il nous sort un album qui clairement est un hommage à toute la culture bass music anglaise, hip-hop, grime, UK garage, drum and bass, etc., etc. Il est de retour avec une sacrée pêche, je vous conseille largement ce disque. Et maintenant, eh bien, on va aussi dans les hommages à la musique électronique qui commence à dater, puisqu'on va parler d'Heretic Sound System. Heretic Sound System qui, pareil, à la fin du XXe siècle, a organisé de nombreuses free parties en banlieue parisienne. C'était le moment où les Spiral Tribe débarquaient en France, virés par Thatcher et ses lois anti-rave. C'est le moment où la techno et les raves se sont exportés dans toute l'Europe et dans le reste du monde. C'est bien sûr à des moment un petit peu culte pour les amateuristes de Art Tech, notamment la grande teuf à la piscine Molitor, les free parties à la gare de Bercy et tout un tas d'autres moments de bonheur pour un groupe qui a quand même fini en 2007 par s'organiser une free party bien légale au Zénith et qui maintenant fait la tournée des SMAC. Tout le monde se positionnera selon son bon vouloir, mais on peut pas non plus faire ça et demander de faire ça pendant 50 ans. Bref, eh bien, Heretic sera à Saint-Étienne et donc en SMAC, puisque ce sera au fil ce 24 février 2024, c'est-à-dire samedi, de 23h à 5h en nocturne, ce qui est, je vous le rappelle, pour la vente d'alcool, interdit aux moins de 18 ans. Désolé, jeunot, désolé, jeunotte. Et avec en line-up, eh bien, le crew. Le crew, alors bien sûr, il y a eu des scissions, hein, alors on va s'épargner un petit peu les historiques, mais en tout cas, il y a Popov, il y a Noot, Limka, Boubou et Joker Muller, avec aussi une scène locale, avec notamment Jacques Sartre, Krauser, Orokaiva, Overflow et Vince Traumatic. Tout ça, c'est en invitation sur le 895, si vous nous appelez au 04 77 438-895, 438-895, ou contactez-nous par Facebook ou par mail. Et ben tout de suite, je vais quand même vous régaler d'un petit morceau de Popov, justement, parce que lui, il aime bien garnir un petit peu ses sons de petits samples assez politiques. Et là, ben, c'est plutôt une espèce de carnet de voyage, carnet diapo et mini reportage Artek sur les rave parties de la jeunesse d'Hérétique. Le morceau s'appelle Underworld, il fait partie de la Hérétique hors Syrie. C'est une face B que je vous propose d'écouter tout de suite sur le 895. Non, non, non, non, mais attends, là, on bouge sur l'endroit, là, ça y est, on n'a pas le temps. Une fois qu'on bouge, après, on peut plus vous aider. Il y a toutes les baguettes à enlever, à commencer à toutes les baguettes, et puis on fera un gros village là. Et il faut bien qu'on s'y donne. Serait cantonné au hangar pouilleux et froid, pourquoi on serait condamné à des petits bouts de forêt, tu vois? Au bord de Seine qui sont juste à côté, qu'on a un parking, et je dis bon, on met les gens sur le parking, on les fait venir à pied, on les prend de vitesse et on organise une soirée de Vicky. En plein Paris, tu réunis des centaines de voitures sur les quais de Seine, quoi, parce qu'il y a 3000 personnes, hein, tu divises 3000 par 4 ou 5 personnes dans une voiture, ça fait au moins 300 ou 400 bagnoles, quoi. Moi, je me suis vu bloquer le boulevard, la voie rapide, là, tu sais, qui longe la Seine, pour faire passer le convoi. Hein. Hey, vous voyez Bercy Expo là-bas? La fête, c'est sous Bercy Expo, dans la gare de fête de Bercy. De pouvoir faire ça dans Paname, à 11h du soir, sans qu'on nous voit, c'est magnifique, quoi. Que fait la police? Au fil de ce 24 février, si vous appelez Dio. We'll be right back. Idée, c'est Radio Dio. Plus fort, j'entends rien, deuxième partie d'émission et un virage radical puisque nous allons maintenant céder l'antenne avec grand plaisir au collectif Alarm Phone qui, tous les mois, tous les deux mois, en plus de ses activités d'utilité publique internationale, c'est-à-dire répondre à un téléphone mis à disposition aux personnes qui sont en train d'avoir des galères et d'avoir des naufrages en mer Méditerranée, concocte une émission qui, je le rappelle, est aussi diffusée sur Radio Galère à Marseille et Jet FM à Nantes. Et quand elle arrive dans Plus Fort J'entends Rien, sur le 895 de Dio, je vous renvoie bien entendu au site internet d'Alarm Phone avec toutes les infos. Aujourd'hui, on va partir un petit peu faire un point sur la situation en 2024 en mer Égée et toutes les modifications un petit peu des routes de migration qui ont pu avoir lieu à l'est de la Méditerranée. Mais je ne vais pas m'étendre car Alarm Phone va vous expliquer tout ça bien mieux que moi. Alarm phone, hello. Hello, my friend. Hello, my friend. This is Alarm phone. How are you, my friend? I hear How you. Many can you hear me? Hello, my friend. This okay, can you give me your GPS position? Chronique amère. Chronique amère. Chronique amère. Une chronique mensuelle réalisée par des membres du réseau Alarm phone. Freedom, I don't meet him. Where's your freedom? Okay, I call you back. What kind of boat what are you on? See around you? Can you give me How your many GPS are position? You on the boat? I hear you. Can you hear me? You can and stay strong. Okay. Okay, I call you back. I will call Let's you back. Let's try calling again, because right now I can't hear anything. La Méditerranée est devenue un cimetière. Parce que des milliers de gens traversent la Méditerranée. Parce que la mer Méditerranée est une frontière. Parce que les frontières perpétuent le racisme et le colonialisme. Parce que le racisme et le colonialisme tuent. Parce qu'en 2021, 1977 personnes sont mortes en traversant. 165 personnes par mois. 41 personnes par Près semaine. Près de 6 personnes par jour. Et bien bien plus dont on ne sait rien. Rien qu'une fois, faire les vagues et tout casser rien qu'une fois. Parce que des histoires existent derrière les chiffres. Parce que ces histoires doivent être racontées. Parce qu'on veut continuer à lutter. Parce qu'on ne veut pas oublier. Parce qu'on ne veut pas s'habituer. Parce qu'on savait. Parce qu'on savait. Parce qu'on savait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 23e épisode de Chronique amère. Une chronique mensuelle où on décortique les politiques des frontières européennes et leurs conséquences depuis Alarm Phone. Alarm Phone, c'est entre autres choses des équipes qui diffusent un numéro de téléphone dans de nombreux lieux de départ des traversées des frontières maritimes de l'Europe. Alarm Phone, c'est entre autres choses des équipes qui se relaient jour et nuit pour répondre au téléphone. L'une des régions de traversée des frontières européennes depuis laquelle nous recevons des appels de détresse est la région de la mer Égée. En 2018, lorsque certaines membres de Chronique Amère commencent à faire des permanences téléphoniques, la situation à cette frontière est bien différente de la situation actuelle. Les personnes qui traversent subissent déjà des violences et des violations des droits humains. Mais en mer, les gardes-côtes semblent respecter les règles du jeu, celles du droit maritime international. Lorsque des bateaux franchissent la frontière maritime entre la Turquie et la Grèce, les gardes-côtes les secourent et les débarquent en Grèce. Et puis en mars 2020, tout bascule. Les embarcations qui tentent à traverser sont systématiquement attaquées, les moteurs volés, les personnes violentées et repoussées vers la Turquie. Et même lorsque les voyageurs et les voyageuses arrivent par elles-mêmes sur une île grecque, les gardes-côtes les remettent à l'eau sur des radeaux de survie gonflables et les laissent à la dérive. Depuis les permanences, on assiste à ces pushbacks sans fin, avec impuissance. On ne sait plus trop quoi faire pour soutenir les personnes qui traversent, à part documenter et relayer les violences. En 2023, tout change à nouveau. Il y a toujours des pushbacks, mais ils ne sont plus systématiques. Les personnes ayant atteint une île sont plus souvent assistées que refoulées. Certains bateaux sont secourus. D'autres bateaux sont même attaqués dans un premier temps, puis secourus dans un second. Aujourd'hui, dans Chronique amère, on voudrait vous raconter ce qui se passe dans cette région de la mer Égée. plus particulièrement sur la route des côtes turques vers les îles grecques. On sait que les routes pour traverser les frontières de l'Europe évoluent constamment, en fonction des situations géopolitiques et de tout un tas d'autres choses. Depuis notre travail à l'Armphone, on est bien placé pour observer ces changements. On partage nos observations, on en discute, on réfléchit collectivement à comment adapter nos actions. Mais pour tout vous dire, ça fait plusieurs mois qu'on ne comprend plus grand-chose à ce qui se passe dans la région de la mer Égée. On est assez perdu et on ne saisit pas bien les enjeux de cette région. Alors, on a eu envie de faire cet épisode pour essayer de comprendre ensemble et de nourrir nos luttes contre le système des frontières. Attention, parce que la situation est dure et violente en mer Égée, comme dans le reste de la Méditerranée et de l'Atlantique, cette chronique et les cas qui sont racontés peuvent être difficiles à entendre. بیاشیانه گشتم خانه به خانه گشتم بی تو همیشه باغم شانه به شانه گشتم عشق یگانه The route traveling from Turkey to the Aegean island is a very specific one compared to other routes in the Mediterranean. La route entre la Turquie et les îles de la mer Égée est très spécifique par rapport aux autres routes en Méditerranée, car la distance entre la rive turque et les îles grecques est assez courte, environ 10 km en général, ce qui signifie que les voyageuses n'ont pas besoin d'être préparées à un long voyage. Même si on ne parle que d'une dizaine de kilomètres à traverser, c'est souvent périlleux. Le climat est compliqué, les intempéries sont fréquentes. Donc malheureusement, beaucoup de gens périssent sur le chemin. Et je crois que si on regarde le nombre de personnes disparues sur cette frontière l'année dernière, il y en a plus de 700. Donc ça reste une zone très très dangereuse pour les traverser. Les gens arrivent sur des canaux gonflables en caoutchouc, où en principe des dizaines, entre 30 et 70 personnes sont entassés. Souvent, les gens n'ont pas de gilet de sauvetage. En parallèle à ça, c'est une zone frontalière qui est devenue extrêmement contrôlée et surveillée, avec un investissement de financement de l'Union européenne, principalement dans les patrouilles des gardes-côtes, les bateaux, les radars. Frontex, dans la mer Égée, il s'occupe des opérations de surveillance des frontières. Et je crois qu'actuellement, il y a plus de 500 agents de Frontex qui travaillent en Grèce. Puis, ils ont une dizaine de bateaux, des avions et aussi des véhicules de patrouille et de transport. Tout ça pour dire que les gardes-côtes grecs et Frontex travaillent main dans la main. Donc, c'est devenu de plus en plus compliqué pour les gens de réussir à traverser cette frontière. Au-delà de la traversée en elle-même, je dirais que cette route elle est particulièrement périlleuse et dangereuse du fait des pushbacks et du fait que les pushbacks soient devenus un peu la normalité. Quand on parle de pushback, on fait référence à la pratique qui consiste à expulser des personnes en mouvement du territoire d'un pays, sans qu'elles aient les possibilités d'y demander l'asile. Cela s'est produit sur terre et en mer, et pas seulement en Grèce. Ce qu'on observe à Lesbos, ce sont généralement deux types de pushback. Si les personnes sont trouvées dans les eaux grecques, elles sont arrêtées et parfois emmenées à bord des navires de gardes-côtes grecs, pour être ensuite abandonné dans des eaux turques, soit sur le propre navire, soit sur un canot de sauvetage. S'il s'agit de leur propre bateau, le moteur est généralement enlevé, de sorte que dans les deux cas, les personnes sont laissées à la dérive. Une autre option consiste à les laisser sur leur propre bateau et les remorquer dans les eaux turques. L'autre scénario concerne les personnes qui sont déjà arrivées sur l'île, qui sont capturées par les hommes masqués, un groupe clairement lié aux gardes-côtes grecs. Souvent, ils sont forcés de monter dans des camionnettes banalisées, emmenés dans des endroits isolés comme des entrepôts de vide ou directement sur la plage. Là, un groupe de gardes-côtes grecs les attend pour les amener à un plus gros navire, puis les abandonner dans les eaux turques. Il faut préciser que le terme pushback ne rend absolument pas compte de la violence exercée au cours du refoulement. Les personnes parlent de harcèlement sexuel, de vol, de fouilles à nu, de coups, de morsures de champ, d'exposition à une chaleur ou un froid extrême. Parfois, des personnes sont même jetées directement dans la mer. Les personnes sont maltraitées, leur vie est mise en danger et beaucoup ont été tués. Les survivants sont renvoyés dans un pays qui n'est pas sûr. Ils peuvent ou non essayer à nouveau de traverser. After in 2020 the change of government and the outbreak of a very visible drift to the right also of public opinion. Au moment du changement de gouvernement en 2020, ça a été très clairement le début du virage à droite de l'opinion publique. Les attaques de migrants et migrantes et de groupes de solidarité ont commencé à avoir lieu ouvertement sur les îles. Suite à ça, il y a eu une très longue période pendant laquelle presque tous les bateaux qui voyageaient dans la région de la mer Égée ont été repoussés. Les gens ont quand même essayé et certains ont réussi, mais pendant longtemps, la route était vraiment très difficile, avec de nombreuses violations des droits humains et beaucoup de tentatives de traversée qui n'ont pas abouti. The outcome of the practice of pushbacks does not so much depend on how many pushbacks are actually happening in this very moment. Les conséquences de la pratique des pushbacks ne dépendent pas tant du nombre de refoulements qui ont lieu, mais plutôt de la peur qu'ils font naître chez les personnes en mouvement. Cela pousse les gens à arriver dans des zones extrêmement éloignées et très dangereuses, et à prendre la route par mauvais temps. Cela conduit évidemment à des naufrages et à des gens qui se cachent dans les bois, dans des conditions météo très difficiles. When we talk about the development in the Aegean in 2020, quand on parle des changements en mer Égée en 2020, on a l'impression parfois que c'est une période où les pushbacks ont commencé à se produire, ce qui n'est pas du tout le cas, car il y en avait déjà les années précédentes. Ce qui est nouveau en 2020, c'est qu'ils deviennent systématiques, que ça devient quasiment l'unique réalité, et aussi qu'ils se passent non seulement sur mer, mais également à terre. Par ailleurs, en plus des pushbacks, l'autre risque pour ceux qui réussissent à accoster et à ne pas être refoulés, c'est la criminalisation, puisque les autorités grecques continuent d'arrêter immédiatement et un peu au hasard des personnes qu'ils décident avoir été les capitaines ou les conducteurs des bateaux de fortune. بی آشیان گشتم خانه به خانه گشتم بی تو همیشه باغم شانه به شانه گشتم عشق یگانه ای من از تو نشانه ای من بی تو نمک نداره شعر و ترانه ای من سرزمین من خسته خسته The Alarm Phone had in the last year, in 2023, more than 600 cases in the region of Greece. L'année dernière, en 2023, Alarm Phone a enregistré plus de 600 cas dans la région de la Grèce, dont plus de 400 entre la côte turque et les îles de la mer Égée. Sur ces 400 cas, 260 des bateaux avec lesquels nous avons été en contact sont arrivés sur une île grecque sans être refoulés, ce qui représente par rapport aux trois années précédentes un nombre très élevé d'arrivées et qui montre que la situation a de nouveau changé. Political changes. One of the reasons is definitely that the Greek Coast Guard and the Greek government has been. Il y a toujours de nombreuses raisons au changement politique. L'une des raisons, c'est qu'au cours de toutes ces années, les gardes-côtes grecs et le gouvernement grec ont été fortement critiqués et publiquement blâmés pour les pushbacks et les violations des droits humains par différents acteurs. Et c'est même devenu beaucoup plus visible après le naufrage de Pylos l'année dernière. Crié au large de la Grèce, un bateau de pêche parti de Libye a coulé alors qu'il faisait route vers l'Italie. 79 cadavres ont été repêchés. C'est la pire tragédie migratoire depuis 2016. Le nombre de passagers qui se trouvaient à bord du bateau est encore incertain. Selon des témoins, il pourrait atteindre 750. En Grèce, 4 jours après le naufrage d'un bateau de migrants, les chances de retrouver des survivants sont désormais quasi nulles. Le bilan est de 78 morts. Au moins une centaine de rescapés dans la ville portuaire de Kalamata. The shipwreck of Pylos in June 2023 was one of the most massive situations with loss of lives we have been confronted with in the Mediterranean. Le naufrage de Pylos en juin 2023 a été l'une des situations les plus graves en termes de perte de vie humaine auxquelles nous ayons été confrontés en Méditerranée et dans le cadre du travail que nous effectuons avec Alarm Phone. Dans les temps qui ont suivi, on a assisté à de nombreuses luttes en Grèce. Beaucoup de gens sont descendus dans la rue. Ils ont dénoncé ce qui se passait et ils ont surtout dénoncé le rôle que les gardes-côtes grecs ont joué dans cet incident. En effet, les gardes-côtes grecs étaient présents au moment où le bateau a coulé. Ils ont manifestement essayé de remorquer le bateau, ce qui a rendu le bateau tellement instable qu'il a coulé. De nombreux témoignages de survivants indiquent que le rôle des gardes-côtes grecs n'a pas été de sauver des vies, mais de mettre des gens en danger dans une situation de toute façon très périlleuse. Après Pylos, Frontex est devenu nerveux, c'est clair. Ils ont réalisé que les autorités grecques ne se soucient pas trop de leur propre réputation et qu'ils n'ont pas à le faire. Mais que Frontex, en tant qu'entité européenne, doit être plus prudente. Du point de vue des gardes-côtes grecs, Frontex est donc un très bon partenaire dans les crimes, en termes de dons d'argent et de biens, mais ce n'est pas le meilleur partenaire lorsqu'il agit de confidentialité. En gros, Frontex est utilisé pour détecter les bateaux et les sales boulots est fait par les gardes-côtes et par les propres personnes de confiance. En parallèle de ça, il est important de rappeler qu'il y a 9 personnes égyptiennes qui sont en ce moment en prison et qui sont accusées d'avoir soi-disant causé ce naufrage, malgré le fait qu'elles sont survivantes de ce même naufrage. Et on appelle à ce que la Grèce et à ce que les autorités grecques, au lieu d'essayer de montrer patte blanche dans une opération de communication pour faire croire que les violations des droits de l'homme ne se passent plus, qu'ils enquêtent sur leur responsabilité, qui a été déjà largement prouvée dans les médias, et qu'ils déterminent les responsabilités de leurs propres gardes-côtes dans cette tragédie. C'est ça qu'on demande, en fait. What is really clear is that pushbacks from land have happened very, very little in the last month, and that is related to. Ce qui est très clair, c'est que les pushbacks à partir de la terre ferme ont été très, très rares au cours de ces derniers mois. Et cela est lié au naufrage de Pylos, mais aussi à d'autres raisons, comme par exemple, sur certaines îles grecques, les ONG qui soutiennent les arrivées et apportent une aide médicale de première réponse. Depuis que sur ces deux îles, des organisations comme MSF opèrent à nouveau et sont les premières à arriver lors du débarquement, ça change la situation. Moins de pushback depuis la terre, car il y a des témoins civils. Récit d'une nuit de permanence. Le 22 septembre, nous sommes trois de Marseille en permanence de nuit. Quand nous prenons le relais, il y a 7 cas d'ouvert. Ça veut dire qu'il y a eu l'alerte pour 7 bateaux en mer dans différentes régions. Et ouvert, parce que nous sommes toujours en contact avec ces bateaux, ou que nous ne savons pas si ces bateaux sont arrivés à destination, s'ils ont été interceptés, etc. Dans la nuit, nous aurons de nombreux autres appels pour d'autres bateaux qui ont quitté la Turquie en direction des îles grecques. Appel 1784, minuit 54. Nous recevons une alerte d'un nouveau bateau. Les personnes sur le bateau expliquent que leur moteur leur a été enlevé et jeté à l'eau par des hommes masqués. Leur position est dans les eaux turques. Nous n'arriverons plus à joindre le groupe de personnes. Les autorités turques nous confirment à 3h13 avoir secouru le bateau. Dans un article publié sur le site officiel des gardes-côtes turcs, il est clairement dit que le bateau gonflable a été refoulé par des navires grecs vers les eaux turques avant d'être secouru. AP 1785. À 3h17, nous entrons en contact avec un bateau de 45 personnes, 10 femmes, 15 hommes et 20 enfants, qui sont dans les eaux grecques en direction de Lesvos. Leur position GPS envoyée par WhatsApp est claire là-dessus. Yael nous demande de l'aide. Yael nous dit que les gardes-côtes grecs les ont attrapés et les frappent. Nous décidons d'envoyer immédiatement un mail aux autorités pour montrer que nous sommes au courant de leur agissement et dans l'espoir d'arrêter les violences et d'empêcher un refoulement. Après l'envoi du mail, nous appelons les gardes-côtes grecs. Une discussion absurde a lieu, où l'officier fait semblant de chercher des informations sur ce bateau, nous dit qu'il y a eu un secours à cet endroit-là, effectivement. Il me sermonne de façon paternaliste suite à une erreur du nombre de personnes que nous avons faites en écrivant le mail, me disant que ce sont des mathématiques de base, que ce n'est pas notre travail d'embrouiller les autorités. Le ton monte, j'en peux plus de cette hypocrisie. Je leur rappelle que leur travail, c'est de secourir les personnes en mer et que moi, je ne devrais pas devoir faire le relais des urgences en mer s'il faisait bien son boulot. À 5h48 du matin, nous avons un message des personnes sur le bateau. Yael sont arrivées en Grèce après avoir été battues. Yael nous enverront une vidéo d'elles sur le bateau avec un bateau des gardes-côtes grecs autour d'elles. AP 1786, 3h55. Nous recevons une alerte concernant un bateau avec 18 personnes, dont 4 femmes, 6 enfants et une personne âgée. Yael parle farsi, mais aussi un peu turc. Yael nous envoie leur position GPS. Yael sont dans les eaux turques. À 4h08, Yael nous informe que la police grecque a cassé leur moteur. Nous leur expliquons qu'étant dans les eaux turques, ce sont les gardes-côtes turcs qui peuvent les récupérer. Une femme, au bout du fil, refuse de me croire. Elle me crie que c'est impossible, que ce sont les Grecs qui leur ont cassé le moteur, que ça veut bien dire qu'elles sont dans les eaux grecques. Malheureusement, comment expliquer que les gardes-côtes grecs font n'importe quoi et se permettent d'entrer jusque dans les eaux turques pour attaquer les bateaux, pour les empêcher d'atteindre la Grèce ou pour ne pas avoir à les secourir? La femme sur le bateau veut que j'informe les autorités grecques. Je l'informe que les autorités grecques vont ensuite prévenir les Turcs. Elle me dit de faire ce que je dois faire, que la situation est trop dangereuse. Pleine d'un sentiment de colère et d'impuissance, nous envoyons un mail aux autorités grecques. À 4h54, les personnes sur le bateau nous disent qu'elles acceptent que nous alertions les autorités turques. Nous appelons les Turcs qui nous disent qu'ils partent chercher le bateau en détresse. Plus tard, l'équipe de suivi entrera en contact avec des personnes du bateau qui témoigneront. Nous étions arrivés près des côtes grecques quand la police grecque nous a pris notre moteur, nous a menacés avec des armes, avant d'attacher une corde à notre bateau pour nous ramener dans les eaux turques. Nous avons attendu 3 heures en mer, sans moteur, terrifiés, puis nous avons été récupérés par les gardes-côtes turcs. Tout ce que nous voulons, c'est arriver dans un pays où nous puissions être en sécurité. AP 1787, 5h10, nous recevons une alerte d'un bateau dont le moteur a été détruit par les gardes-côtes grecs. Quand nous entrons en contact avec les personnes sur le bateau, elles nous disent qu'elles viennent d'arriver sur l'île de Kos, qu'elles devront être transférées dans un camp et qu'elles sont saines et sauves. AP 1788, 5h15. Nous recevons une alerte concernant un bateau de 26 personnes, dont le moteur a été détruit par les gardes-côtes grecs. Quand nous établissons le contact avec les personnes sur le bateau, elles nous disent qu'elles sont toujours en mer, mais que les gardes-côtes turcs viennent d'arriver pour les ramener en Turquie. AP 1789. À 5h20, nous recevons une alerte d'un groupe de 12 personnes, dont des femmes et des enfants, qui sont arrivées sur l'île grecque de Samos. Nous informons les autorités. Nous n'aurons plus de nouvelles des personnes qui ne répondent plus à nos messages. Nous pensons qu'elles sont arrivées dans le camp de l'île. AP 1790, 6h05, nouvel appel. Deux personnes sont arrivées sur l'île de Rhodos. Elles sont dans la rue, elles ont froid et peur. Nous informons les autorités et elles seront amenées au commissariat de l'île quelques heures plus tard. AP 1791, à 6h50 du matin, nous ouvrons un nouveau cas. 19 personnes sont sur un bateau au nord-est de Lesbos. Elles sont dans les eaux turques, nous informons les autorités turques qui iront les récupérer. Il est 7h du matin. Nous faisons le relais avec la prochaine équipe de permanence et essayons de reprendre un peu d'énergie. Actuelle dans la région de la mer Égée, il y a environ 20 000 personnes qui sont détenues ou quasi détenus dans des camps, dans des conditions inhumaines. L'État grec, avec le soutien financier de l'Union européenne, a construit de grosses structures modernes pour, en gros, retenir les gens dans des camps. Donc voilà, les gens se retrouvent, les gens qui réussissent à atteindre les îles grecques sont toujours bloqués sur les îles depuis le deal entre la Turquie et l'Union européenne de 2016. Donc ce sont toujours des prisons à ciel ouvert. Also in the last year we have been in contact several times with people that tried the crossing for the third time, the fifth time, the tenth time. L'année dernière, nous avons été en contact à plusieurs reprises avec des personnes qui tentaient la traversée pour la troisième, cinquième ou dixième fois et qui souvent avaient également appelé à l'armphone plusieurs fois. C'est-à-dire qu'elles avaient essayé, qu'elles avaient été repoussées et qu'elles avaient réessayé et ces personnes finissaient à nouveau en Turquie. Là, elles étaient détenues pendant quelques jours ou quelques semaines, puis elles étaient libérées, généralement sans rien. Comme il n'y a aucune infrastructure, elles vivent dans la rue ou dans des camps provisoires, ou si elles ont de la chance, dans des sortes d'espaces auto-organisés. Elles essaient à nouveau et elles paient beaucoup d'argent pour remonter sur un bateau et refaire une tentative. Ça peut durer des années pour les personnes qui essaient en boucle. The role of Turkey is like other states that have borders with the EU. Le rôle de la Turquie est le même que celui d'autres États qui ont des frontières communes avec l'Union européenne et des accords avec l'Union européenne. En fait, ces États reçoivent de l'argent de l'UE pour financer leurs gardes-côtes et protéger leurs frontières extérieures. La Turquie a commencé à jouer le rôle des gentils de l'histoire. Ils secourent les personnes refoulées, publient des informations sur les pushbacks et puis accusent l'UE de violation des droits humains. C'est intéressant comme évolution car aujourd'hui, ils se comportent avec Alarmphone comme des collègues. Ils sont très coopératifs, ils donnent beaucoup d'informations. Ce qui, je pense, est utile d'une certaine manière pour nous en tant qu'Alarmphone. Mais d'un autre côté, nous devons aussi voir cela d'un œil critique parce que leur comportement répond à un intérêt politique qui peut changer à tout moment. On ne peut pas savoir comment ils pourraient se comporter l'année prochaine parce que tout ça, ça fait partie de calculs politiques. Sometimes we are in contact with people for a while after they have arrived in Greece and to see that actually they succeeded to cross. Parfois on reste en contact avec des personnes qui longtemps après leur arrivée en Grèce finissent par traverser pour aller quelque part où se trouvent leurs amis, leur famille ou un endroit où vivre. Ça montre que c'est encore possible pour les gens de voyager et que ce sera toujours le cas. Les gens essaieront toujours de trouver des routes pour aller là où ils et elles veulent aller et toutes ces politiques de militarisation et de violence aux frontières ne font que rendre les choses plus dures et dangereuses pour les gens, mais elles essaieront toujours et elles réussiront aussi, du moins certains et certaines d'entre eux. Je pense que c'est bien de toujours se rappeler des moments de réussite dans notre travail et notre soutien aux personnes en mouvement. Since 2018, when my younger brother was crossing the Asian waters, after that, I used to get calls from friends and families on the move. They say that if the land was safe, a father would never put their child on the water. Depuis 2018, lorsque mon petit frère a traversé les eaux de la mer Égée, je reçois des appels d'amis et de familles en déplacement. Et elles me disent que si la terre était sûre, un père ne mettrait jamais son enfant sur l'eau. Et je pense, en tant qu'Afghane, qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'aller sur l'eau avec leur enfant. Juste pour se mettre en sécurité ou demander l'asile et tenter de changer leur génération pour vivre dans un endroit meilleur et avoir au moins les droits humains minimum d'une personne vivant sur Terre. Voilà, Chronique amère, c'est fini pour aujourd'hui. On remercie toutes les personnes qui nous ont éclairés et qui ont partagé leur analyse sur la situation en mer Égée. Merci à Azada, qui depuis 2018 reçoit des appels de personnes qui traversent vers les îles grecques et les accompagne nuit et jour au téléphone. Merci à Marion et au Legal Center Lesbos qui fait un travail précieux d'accompagnement juridique des personnes à l'arrivée sur l'île grecque et qui lutte sans relâche pour dénoncer les violences à cette frontière. Merci à Flo et Marion d'Alarmphone qui font notamment un important travail de suivi des personnes après leur refoulement. On voulait terminer cet épisode avec des pensées de solidarité. Des pensées de solidarité pour les 9 de Pylos et les 2000 autres personnes actuellement en prison en Grèce, accusées d'avoir conduit les bateaux sur lesquels elles ont traversé. Des pensées de solidarité aux 30 survivantes du naufrage du 10 janvier au large de Lesbos et aux proches des deux personnes qui y ont perdu la vie. Merci à toutes celles qui ont rendu cette chronique possible. Merci à celles qui ont participé, ont fait des retours, ont diffusé. Vous pouvez réécouter cette chronique sur le site de Jet FM et sur celui de Canal Sud. Vous pouvez aussi la partager avec vos proches et la diffuser à l'infini. Pour en savoir plus sur Alarmphone et les traversées des frontières maritimes de l'Europe, vous pouvez aussi consulter le site WatchMed ou celui d'Alarmphone. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de Chronique Amère. Et d'ici là, main sur le cœur et point levé. Sauvage, impénitent, radio, dio, radio, dio, 89.5 FM. This friend. C'était Austral Bakers à l'instant sur le 89.5 de Dio, extrait de leur premier album The Whole Story, qui est l'un des deux coups de cœur de la Ferrarock cette semaine, un des deux disques soutenus par l'ensemble notre trentaine de radios associatives, et que vous retrouverez bien entendu en interview dans le magazine commun que nous créons, c'est-à-dire Dig Dig Diggers, vendredi à midi, rediff à 19h et lundi matin à 8h. L'autre disque de la semaine, c'est Declan McKenna. On va l'écouter tout de suite, mais quand même, j'allais presque oublier de dire qu'au passage, nous avons un CD d'Astral Bakers et de leur jolie musique indie que vous pouvez remporter en appelant au 04 77 438 895 avec, je le rappelle, des places aussi pour la soirée Heretic Sound System au fil ce 24 février. C'est là-dessus que je vais arrêter ce magazine. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur le 89.5. Prenez soin de vous et de vos autres. Ciao.